Elle, là-bas. Je la vois tous les jours. Elle aussi, elle regarde. Elle est couchée dans l'herbe, les yeux vers le dedans, comme quand on veut apprendre à regarder par les oreilles. Elle contemple l'écorce là-haut, qui pointe vers le ciel son arbre dénudé. Les branches ont décidé que c'était suffisant, elles ont boudé la cime. Le soleil la frôle. C'est toute sa chaleur qu'elle mange sur son visage. Elle fait la somme, maintenant, de tous ces bruits qui l'environnent. Et un bourdonnement plus loin, à droite. Et maintenant le vent, une rafale légère qui distance le tout. Ne pas prendre cette cigarette. Elle concentre tout ce qu'elle a de matière voulante pour repousser ce moment où elle va décider qu'il faudra se lever, renaître citadine et quitter ce bonheur qui l'a envahie pour si peu de temps. Sera devenue dans quelques milliers de pas. Elle connaît ces changements qui vont s'imposer à elle. Elle sait qu'il faut se suivre, que le bonheur n'est pas derrière ces montagnes. Marcher en arrondi tout autour de cette boule qu'on n'envisage jamais. Et pourtant, si, là, tout d'un coup, il lui semble qu'elle ressent cette rotondité. sur la terre, sans attente, sans mystère, qui ont vécu en même temps qu'elle, sa femme.